بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc cette série, aujourd'hui le 15e cours, dans la lecture et l'explication du chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Et donc on était arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit wa ammal muharramatu ila amadin. En ce qui concerne les femmes qui nous sont interdites de manière temporaire. Faminhunna qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yujma'u bayna al-mar'ati wa 'ammatiha ولا بين المرأة وخالتها. Et donc parmi celles-ci, c'est-à-dire parmi les femmes qui nous sont interdites au mariage de manière temporaire, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne rassemble pas entre la femme et sa tante paternelle ni sa tante maternelle. C'est-à-dire que l'homme n'a pas le droit de se marier avec une femme et en même temps avec sa tante, qu'elle soit tante paternelle ou maternelle. Donc déjà, premièrement, ce sujet, barakallahu fikum, et les différents types de femmes interdites qu'on va voir au début, on verra que ce sont des interdictions liées par la cause du rassemblement, et donc interdit de se marier avec une femme en même temps que telle femme. Une femme en même temps que telle femme, etc., etc. Tout ça, barakallahu fikum, cela concerne une personne donc qui réside dans un pays où donc il ne lui est pas interdit d'avoir plusieurs épouses, hein, pour éviter de se mettre dans des situations difficiles, pour éviter d'avoir des problèmes, tout simplement, barakallahu fikum. Et donc, et je dis bien dans un pays. Où on lui permet d'avoir plusieurs épouses, je ne dis pas un pays musulman. Pourquoi ? Parce que parfois on peut trouver certains pays musulmans où cela va être interdit. Où cela va être interdit. Et donc l'homme fait attention à cela, barakallahu fikum. Qala an-Nawawi, et donc an-Nawawi rahimahullah, il dit fi hadha dalilun li madhhab al-ulama'i kaffatan. أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين وبين المرأة وخالتها. Et donc, An-Nawawi il dit, il y a dans ce hadith la preuve de tous les ulama, el ulama kaffa, donc ce qui est voulu tous les ulama, qui est que il est interdit à l'individu de se marier avec une femme et sa tante. Il est interdit à l'individu de se marier avec une femme et sa tante en même temps. Et donc le deuxième groupe de femmes qui sont interdites au mariage de manière temporaire, il nous dit l'auteur rahimahullah, wa ma'a qawlihi ta'ala wa an tajma'u bayna al-ukhtayn. Et il vous est interdit de rassembler entre les deux sœurs. Et donc si un homme se marie avec une femme, puis se marie avec sa sœur, et qu'il donc rassemble le fait de se marier, et qu'il se marie avec sa sœur, il est marié avec son épouse et la sœur de son épouse en même temps, alors le deuxième mariage, le mariage avec la sœur de son épouse, est caduque. Ce deuxième mariage est caduque. Il n'est pas valable. L'imam al-Baghawi rahimahullah, il dit dans son tafsir, la yajuzu lirrajuli an yajma'a bayna al-ukhtayni fi an-nikah sawa'un kanat al-ukhuwatu baynahuma bin-nasabi aw bir-ridaa. Et donc il dit al-Baghawi rahimahullah, il est interdit à l'individu de réunir les deux sœurs dans un mariage. Il est interdit à l'individu de réunir les deux sœurs dans un mariage. Que, donc, ça soit deux sœurs Donc de lait ou alors deux sœurs biologiques. Que ça soit deux sœurs de lait ou alors deux sœurs biologiques. Dans les deux cas, il lui est interdit. Donc même le fait, si tu te maries avec une femme, et qu'ensuite tu te maries avec une autre, et que tu apprends que, en fait, la deuxième, eh bien, c'est sa sœur de lait, tu l'as appris par la suite, eh bien, ce mariage, il est caduc. Il faut absolument, donc, séparer. Il faut absolument séparer l'homme et cette femme. Fayyib. Par contre, si l'homme, il va divorcer son épouse, puis se marier avec sa sœur, après la fin de la période de viduité de son épouse, alors là, cela est permis. S'il divorce son épouse et qu'elle est dans sa période de viduité, il ne peut toujours pas se marier avec sa sœur parce qu'elle est dans sa période de viduité, c'est toujours son épouse. C'est toujours son épouse. Donc, tant que ce n'est pas le divorce définitif, c'est-à-dire le troisième divorce ou le khula. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il nous dit wa antajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qad salaf. Et donc, il vous est interdit de rassembler entre deux sœurs, sauf ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire sauf les mariages qui ont déjà été faits comme cela, parce que les gens, ils faisaient cela, ils avaient cette pratique avant l'islam. Et ensuite, l'auteur qui nous dit wa yajuzu lil hurri wa la yajuzu lil hur an yajma'a akthara min arba'a. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, bien entendu, ça concerne une personne qui vit dans un pays où elle n'aura pas donc de problème par rapport à cela. Et donc, il n'est pas permis à l'individu de rassembler, d'avoir plus de quatre épouses. Il n'est pas permis à l'individu d'avoir plus de quatre épouses. Et donc, celui qui vit dans un pays où cette pratique est permise, où cette pratique va être donc permise dans le pays, et qu'il a plus que quatre épouses, à ce moment-là, on va lui demander de se séparer de certaines de ses épouses et d'en choisir que quatre. N'en choisir que quatre. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, Fankihu ma taaba lakum minan nisa, Mesna wa thulatha wa ruba'. Alors mariez-vous avec les épouses que vous voulez, deux, trois ou quatre. Et donc les savants sont unanimes, et donc les savants utilisent ce verset pour dire qu'il est interdit d'avoir plus que quatre. C'est une interdiction. En ce qui concerne le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu plus que quatre épouses en même temps, alors cela lui est spécifique. Ça fait partie des choses que Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé à son prophète et pas à d'autres. Ensuite, un peu plus loin, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa idha aslama al-kafiru wa tahtahu ukhtan ikhtara ihdahuma aw indahu akthara min arba'i zawjat ikhtara arba'an wa faraqa al-bawaqi. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, là ici l'auteur qui nous dit que si un non-musulman il se convertit à l'islam et qu'il est marié avec deux femmes qui sont sœurs. Alors à ce moment-là, il va devoir choisir une des deux. Ou alors, il a plus de quatre épouses, à ce moment-là, il va devoir choisir quatre et se séparer des autres. Ensuite, l'auteur qui nous dit, Watahrum, et donc, et sont interdites. Ah, là maintenant, on passe dans une autre étape. C'est-à-dire, les femmes qui sont interdites au mariage par une cause qui est présente. Là, ça ne va pas. Les différents cas qu'on a vus précédemment, donc concernant les femmes interdites de manière temporaire, on a vu des femmes interdites de manière temporaire à cause du fait qu'on ne peut pas les épouser, elles et notre épouse en même temps. D'accord? Et donc ça c'est un cas. Deuxième cas, maintenant qu'on voit, c'est une cause extérieure qui fait que un homme ne peut pas se marier avec une femme. Premièrement, donc l'auteur qui nous dit, rahimahullah, el muhrima hatta tahilla min ihramihi. La femme qui est en état de sacralisation, jusqu'à ce qu'elle sorte de cet état de sacralisation. La femme, elle est en train de faire une umra ou un hajj, elle est en état de sacralisation, on n'a pas le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle finisse cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comme dans Sahih Muslim, la yankihu al-muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtub. Et donc la personne qui est en état de sacralisation ne peut pas se marier, ne peut pas être mariée, c'est-à-dire on ne peut pas faire le mariage pour cette personne, et cette personne-là non plus ne peut pas faire el-khidba, donc la demande en mariage. Elle ne peut pas demander la main d'une femme. Et d'ailleurs, dans ce sujet, il y a un hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit « Tazawwaja النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. Ibn Abbas, il nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, il s'est marié avec Meymouna alors qu'il était en état de sacralisation. Et donc, est-ce qu'on va dire que c'est spécifique au prophète ou autre? Que se passe-t-il? Et donc ici, barakallahu fikum, la vie le plus juste, c'est que Ibn Abbas رضي الله عنهما, il s'est trompé. Pourquoi? Parce que Meymouna radiallahu anha, Meymouna elle-même, elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle alors qu'il n'était pas en état de sacralisation. Alors qu'il était halal, il n'était pas en état de sacralisation. Ça aussi, ça a été rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Et même donc, un autre compagnon justement qui était l'intermédiaire entre Meymouna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a précisé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Meymouna alors qu'il n'était pas en état de sacralisation. Donc ici Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, il s'est trompé. Les savants disent peut-être que l'information lui est parvenue, l'information du mariage, elle lui est parvenue que après que le prophète se soit mis en état de sacralisation. Et donc, il a dû penser que le prophète s'est marié pendant qu'il était en état de sacralisation. Tayyib. Ensuite, l'auteur qui nous dit, donc parmi les femmes qui sont interdites, il nous dit « El mu'tadda min al-ghayri hatta yablugha al-kitab ou ajala » On a aussi donc la femme qui est donc en période de viduité. Elle est dans sa période de viduité pour un autre homme. Ce qui est voulu ici, c'est-à-dire qu'elle est interdite à tout autre homme que celui qui l'a divorcé. Exemple, un homme, il divorce une femme. Elle est dans sa période de viduité. Elle attend ses trois menstrues. Pas ce cas-là. On va avoir le cas de celui qui va le khoul, par exemple. La femme qui a demandé son khoul, et donc son ancien mari, celui qui lui a donc accepté le khoul, il est donc cette femme, elle est dans la période de viduité. Ils sont tous les deux séparés. Avant qu'elle finisse sa période de viduité, il veut redemander la main de cette femme. Et donc ici, le cheikh, il nous dit que lui, cet homme-là, il lui est permis. Parce que c'était, en fait, la période de viduité qu'elle a, cette femme, c'est par rapport au respect de cet homme et de son honneur. D'accord ? Maintenant, donc lui, il veut se remarier avec elle, il peut. Un autre veut se marier avec elle, veut lui demander sa main. Il ne peut pas jusqu'à ce que la femme finisse sa période de viduité. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَلَا تَعْزِمُ عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Et donc, ne concrétisez pas l'acte de mariage, ou donc n'ayez pas la ferme intention de concrétiser l'acte de mariage jusqu'à ce que donc la période de viduité elle se termine. Ensuite, l'auteur qui nous dit le troisième type de femme interdite, الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. Et donc la femme fornicatrice, elle va être interdite à l'homme fornicateur, ainsi qu'à autre que l'homme fornicateur. Même l'homme chaste, la femme fornicatrice va lui être interdite, jusqu'à ce que celle-ci, elle, se repente. On avait déjà vu ce sujet, on avait déjà vu la preuve concernant ce sujet. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Et donc le fornicateur ne se marie qu'avec une fornicatrice ou une polythéiste. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Et la fornicatrice, le seul à se marier avec elle sera le fornicateur ou le polythéiste. وحرم ذلك على المؤمنين. Et cela est interdit aux croyants. Et donc, de la même manière que la femme fornicatrice va être interdite aux fornicateurs et aux chastes, eh bien, de la même manière, l'homme fornicateur, il est interdit qu'il se marie avec la femme fornicatrice et la femme chaste. Et la femme chaste. Cela a été interdit aux croyants. Et donc, les personnes qui ont connu la fornication avant le mariage, il est impératif que ceux-ci se repentent. Ils doivent obligatoirement se repentir avant de se remarier. Ensuite, l'auteur qui dit, rahimahullah, وَتَحْرُمُ الْمُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. Et donc la femme de l'homme qui a été divorcée trois fois, et donc l'homme qui va divorcer sa femme trois fois, cette femme, elle va lui être interdite jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Et que celui-ci ait un rapport avec elle. Donc un vrai mariage et un vrai rapport. Et qu'ensuite il se sépare d'elle, il la divorce, le deuxième. Et qu'ensuite sa période de viduité se termine. À ce moment-là, il peut se remarier avec elle. Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Et donc s'il la divorce, c'est-à-dire l'homme, s'il divorce sa femme la troisième fois, alors celle-ci ne lui est pas permise jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre époux que lui. Et s'il la divorce, donc le deuxième époux, s'il la divorce, alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à ce qu'ils se remettent ensemble, donc la femme et le premier époux, donc s'ils pensent respecter les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'ailleurs, donc il y a une femme qui a été divorcée par donc son époux à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc l'épouse de Rifa'a, et elle s'est mariée avec un autre homme. Elle s'est mariée avec un autre homme, donc lui il l'a divorcée trois fois. Elle s'est mariée avec un autre homme et elle voulait divorcer. Donc comme cela est cité dans Sahihain, dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, est-ce que tu voudrais retourner avec Rifa'a? Elle a dit oui. Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, la hatta tazouqi usaylatahu wa yazouqa usaylatek. Il lui a dit non, tu ne peux pas retourner avec Rifa'a jusqu'à ce que tu es un rapport. Et ici, le terme qui a été utilisé montre le plaisir qui est ressenti, donc, durant ce rapport, c'est-à-dire un vrai rapport, avec, donc, ton mari actuel. D'accord? Et donc, ici, la femme, elle ne peut plus se marier avec cet homme, donc c'est une interdiction temporaire. Pourquoi? Parce que si elle se marie avec un autre, et qu'il y a un rapport, et que cet autre homme, il se sépare d'elle, et qu'ensuite la période de viduité se termine, à ce moment-là, elle peut revenir avec son ex-époux, le premier. Et enfin, pour finir, donc l'auteur qui nous dit, وَالْرِضَىٰ أَلَّذِي يُحَرِّمُ مَا كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثَرُ فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. Et donc ça, c'est un sujet qu'on a déjà vu précédemment, c'est donc le fait que le lait, l'allaitement, va donc interdire ce que les liens de parenté aussi vont interdire. Et donc, à partir du moment, comme on a vu précédemment, on avait vu sept femmes qui étaient interdites à l'homme à cause des liens de parenté, eh bien il y a aussi les sept mêmes femmes qui vont être interdites à cause donc de l'allaitement. Ici l'auteur qui précise que l'allaitement qui va être pris en compte et qui va faire que l'homme va être interdit à une femme, c'est l'allaitement qui a été fait 5 fois. Et ce sujet-là aussi on l'a déjà vu, donc on avait dit que c'était 5 fois et que c'était 5 allaitements considérés, et chaque allaitement c'est un repas. C'est un repas, c'est-à-dire que l'enfant, le bébé, il va donc prendre le lait jusqu'à ce qu'il ne veuille plus de lait, et donc ça c'est un repas. Et donc à partir de là, donc celui-ci devient interdit à ses frères et sœurs de lait ainsi que les autres, inshallah ta'ala. Et donc nous on va arrêter là pour aujourd'hui. Et on continue donc ce sujet, ou donc ce livre, excusez-moi, ce chapitre, à partir de demain, avec les conditions que des gens vont rajouter au mariage, inshallah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.